Retiens plus dans ces lieux, pas même ces fleurs couleur ciel bleu. Allez, viens, oubliez ce temps si lourd, si gris, la musique et les jeux de ces hommes qui ont écorché ta vie. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Je rêve de toi. Chip, chip, chubidubidub, tiboum, chubidubidub, tiboum, chubidubidub. Allez, viens, viens, partons d'ici, dans la sombritude de l'amour. Prenons juste un aller sans retour. Allez, viens, non, ne rate pour rien au monde le spectacle en or multicolore d'un homme fou de toi qui t'adore. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Je rêve de toi. Do-do, do-bi-do-bi-da-bi-da-bi-da-i, do-bi-di-bi-di-bi-da-bi-da-i, do-bi-di-bi-di. Allez, viens, viens, partons d'ici. Pénètre dans les ténèbres de l'amour, pleine d'hommes qui te tournent autour. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di donne che ti son piaciute. Via, via, via. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Vieni via con me. Viens, partons d'ici, d'ici, d'ici. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di donne. Allez, viens, coule-toi dans un bain chaud. Je t'envelopperai d'un peignoir bleu ciel. Laisse la pluie dehors, le gris éternel. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Je rêve de toi.